dans un monde qui n'est pas fait pour moi. Ma chanson de liberté, c'est toi. Mon fruit de soleil, ma nouvelle vie, mon cri d'amour sous le ciel d'Italie. 100 000 guitares de toi me séparent. Toutes les fois que je pense à toi, je me sens prisonnier dans cette ville. Et toi qui chantes et danses dans ton île, tu es mieux que l'image de l'amour. Dans un monde qui n'est pas fait pour moi, j'espère me retrouver seul avec toi. Chaque mot d'italien, chaque mélodie me rappelle qu'un jour tu m'as dit: tu es mon amour. Je t'écris de Paris, où même en plein été le ciel est à la pluie. Je voyage au fond de tes yeux, où tout est bleu. Dans ton île, tu es mieux que l'image de l'amour.